Onzième chapitre, l'auberge du lion d'or. Pendant que ces événements se passaient et que les cris d'effroi retentissaient de toutes parts, deux hommes étaient tranquillement assis dans une chambre de l'auberge du lion d'or située près de la porte Médard. Ces deux personnages qui s'entretenaient alors familièrement n'étaient autres que Dugranec et Kérolin, gouverneurs de Concarneau, lequel, à l'instant même, venait d'arriver à Quimper. Dugranec, qui était intimement lié avec lui, s'était empressé d'aller le rejoindre et tous deux conversaient de leurs affaires, sans se douter que la fontenelle fût si près d'eux. C'était un brave et vaillant capitaine que Kérolin. Il avait épousé une jeune et riche héritière avec laquelle il habitait, en temps de paix, le château de Kerlo, près Quimper. Mais dès qu'il y avait mention de troubles ou de guerre, il s'en retournait à Concarneau où il s'était fait chérir et apprécier de tout le monde par son équité et par ses talents militaires. Neveu de Lézonnette, sous lequel il avait fait ses premières armes, il s'était couvert de gloire dans maintes affaires et particulièrement au siège de Crozon. « Je serais bien curieux, Dugranec, disait Kérolin, de savoir comment vous avez pu apprendre mon arrivée ici. « Bien facilement, répondit Dugranec, car il y a environ une heure que, sans m'apercevoir, vous êtes passé près de moi avec votre escorte. Vous ayant reconnu, je me suis empressé de venir vous voir, me rappelant que Madame de Tréfilis m'avait chargé de vous inviter à dîner chez elle, la première fois que je vous serais à Quimper. Je suis vraiment fâché, mon cher ami, de ne pouvoir accepter l'invitation de cette dame à laquelle je vous prie de faire agréer mes excuses. Il faut que dans quelques heures je reparte pour Concarneau où des affaires importantes me rappellent. Dès que j'aurai fait ma visite à Kermoguer, je quitterai Quimper. Comment pouvez-vous partir aussi brusquement d'une ville où vous comptez tant d'amis et où depuis quelque temps vous ne faites plus que de rares apparitions? Allons, à ma prière, vous remettrez votre départ à demain. Non, impossible, Dugranec. « Je ne le puis. Quoi donc? L'attrait d'un dîner avec votre meilleur ami ne saurait-il vous fléchir? Dans d'autres circonstances, cette considération serait toute puissante sur moi, mais aujourd'hui, je suis forcé de refuser votre invitation. Il y a cependant bien longtemps, Kérolin, que nous ne nous sommes trouvés ensemble. Eh bien, pour remédier à tout ceci, vous allez m'accompagner et venir avec moi passer quelques jours à Concarneau. Non, Kérolin. Car voici une lettre de mon père qui me rappelle au château du Laz. Alors, s'écria Kérolin, promettez-moi au moins de venir prochainement me rendre visite. Je vous le promets, répondit Dugranec en lui serrant la main avec effusion. Comme le temps passe vite, dit Kérolin. Ne vous semble-t-il pas qu'il n'y a que quelques jours que nous étions au collège de cette ville, avec notre malheureux camarade Hugues de Tréfilis, dont la mort m'a causé tant de chagrin? Il est mort bravement sous mes yeux, Kérolin, et j'ai eu la douleur de ne pas pouvoir le venger. Kérolin se disposait à répondre et à flétrir de toute son indignation les actes coupables de la fontenelle, mais il se tut en réfléchissant au massacre de Plogastel. Il craignit d'affliger son ami en réveillant dans son cœur d'aussi tristes souvenirs. Tout à coup, leur conversation fut troublée par des cris terribles qui se firent entendre au dehors. Aussitôt, Kérolin et Dugranec s'élancèrent à la fenêtre pour voir quelle pouvait être la cause de ces sinistres clameurs. Ils aperçurent plusieurs bourgeois courant comme des insensés et criant de toutes leurs forces « La fontenelle! La fontenelle !» En entendant prononcer le nom du terrible ligueur, Kérolin demanda à l'un des bourgeois ce qu'il voulait dire. « Je veux dire... » répondit cet homme effrayé, « que Guéder est aux portes de Quimper et que tout à l'heure la ville sera mise au pillage. » Les deux amis se disposaient à lui adresser d'autres questions, mais déjà celui-ci était bien loin, faisant entendre partout le même cri d'alarme. « Croyez-vous que la fontenelle soit réellement si près de nous ?» demanda Kérolin à Dugranec. « Jusqu'à présent, malgré les avis que nous avions reçus, j'étais resté dans les incrédules, doutant beaucoup qu'il osa tenter une seconde attaque. » Après l'échec qu'il a essuyé. D'ailleurs, connaissant sa perfidie, j'avais toujours pensé qu'il n'était pas homme à chercher à s'emparer de cette ville en plein jour. Kérolin allait répondre lorsque les six cavaliers qu'il avait accompagnés à Quimper vinrent l'avertir que l'effroi se répandait partout et que le bruit courait que la fontenelle était déjà sur la place Saint-Mathieu. « Il n'y a pas un moment à perdre !» dit énergiquement Kérolin à ses soldats. « Vous allez monter sur le champ à cheval, puis en sonnant la charge, nous nous précipiterons sur l'ennemi, dans l'espoir de l'effrayer par cette brusque attaque. Quant à vous, Dugranec, courez promptement vous mettre à la tête de la jeunesse de Quimper et venez ensuite me rejoindre. Il faut qu'aujourd'hui, à nous deux, nous essayions de sauver la bonne ville où s'est passée notre enfance. » Dugranec, quoiqu'en proie à la plus vive émotion, en pensant qu'il allait encore se retrouver en présence de son plus mortel ennemi, ne balança pas un seul instant. Il pressa vivement la main de Kérolin et s'empressa d'obéir à son conseil. Bientôt, l'intrépide Kérolin fut en selle à la tête de ses cavaliers. Après avoir commandé à son trompette de sonner la charge, il s'élança au grand galop vers la place Saint-Mathieu, renversant tout ce qui s'opposait à son passage.